je prends mon pinceau et commence mon tableau par un grand ciel d'été, si bleu et si beau qu'il me remplit de fierté. Je ne veux sur mon tableau que des couleurs à l'eau. Et dans mon ciel très haut, j'y peins quelques oiseaux. Mais si tout dit, si tout peint, que de leurs yeux ronds et fins, ils recherchent en vain une terre où se poser enfin. Qui peut passer sa vie en l'air, leur moins qu'un pied à terre. Je suis tête en l'air, je fais tout à l'envers. Je reprends mon pinceau. Éteintes de verre surgissent de grands chênes, magnifiques et fiers, mille fois centenaires. Je ne veux sur mon tableau que des couleurs à l'eau, claires comme un été passé au bord de l'eau. Mais si tout dit, si tout peint, que déjà sous mes yeux leurs feuilles jaunissent, mes bouchelles dépérissent. Qui peut vivre sa vie entière sans l'eau qui désaltère. J'ai oublié la rivière, je fous tout en l'air. Si fraîche et si claire que j'y trempe mon pinceau. Je ne veux sur mon tableau que des couleurs à l'eau. Et j'y ajoute un enfant jouant au bord de l'eau. Mais si tout dit, si tout peint, qu'il se prend pour un oiseau et rêve de pays lointains, plus chauds et plus beaux. Qui veut passer sa vie entière près de la même rivière. Déjà lui manque de l'air, je fais tout de travers. Si simple et si